Combatendo forte. Ao NC Mixtape. Combatendo forte. Dois de expansão total. Conexão. É nóis. Brasil, França. Combatendo forte. São Paulo. Patente fortalece a raiz. Um ideal, cinco irmãos e um caminho a seguir. É pela música, o som das ruas. Conforta o povo e fortalece nessa nossa luta. Vamos que vamos, o tempo tá passando. Meu tempo tá passando. Ó Pai, me dê força pra executar o plano. Na oração, peço sim de coração. Obrigado por cada passo firmado no chão, chão. J'arrive en express, j'ai du grain livré. J'arrive non calibré, le sens poussé à l'extrême. Je suis d'une espèce qui exige le respect. Respire immergé, l'aspect du suspect. Et pourtant, je remets de l'ordre au foutoir. J'ai des lourdes, les rappeurs préfèrent les boudoirs. T'es pas content, on se retrouve sur le sillon. Encore une session, au studio M Alliance. Desperto, eu vou ligeiro com tudo que vejo. Na calma, sem desespero. Logo somos do gueto até a chegada do miolo. É o centro, tristeza, felicidade, sofrimento, dinheiro, fome, emprego. Droga, conheço o desprezo, tenho amigos verdadeiros. Estamos juntos, formado de companheiro. Me fez enxergar no caminho certo, reto, pois é o que eu quero. Hoje em Bordeaux, rasgo pesado no ferro. Notre art n'a pas de frontières, il parle d'amour, d'espoir et d'unité. Notre armée n'a que pour seule arme les mots, tout le cœur qu'elle y met. Quand nos destins se croisent, on sait que le combat est le même qu'on est. Tous dans le même camp, inventé au collectivo, à ONC. Begin connexion, cette fois je crois bien qu'on ne peut plus nous arrêter. Bordeaux, Bogota, Sao Paulo, ensemble pour la liberté des peuples. Les ai oubliés, plus jamais leur voix étouffée. Une pensée pour les disparus, des balles perdues sur la paix. Meu universo, os versos onde expresso minhas atitudes. Os dias passam assim como passa a juventude. Objetivos unem e a ambição separa. Quem sabe entender os pensamentos alheios cabem na jogada. Falha temos, notamos que somos passíveis a erro. E com o tempo aprendemos a ver nossos defeitos. Bom começo é respeitar o próximo. Amizade é a palavra-chave para um bom negócio. São Paulo, terra da garoa. Lâche des gros cakes sur des toilettes en bronze, ils peinent. N'arrive même pas à se remplir le ventre, belle misère. Y'a pas à dire celle du banlieusard. Comparé au bled où les trois quarts meurent du paludisme. Parenthèse, une connexion France-Brésil. Quand les lois de la nature impunément sont transgressées, ça parlemente. Combien sont-ils à quitter le monde injustement? Combien jubilent du malheur des autres? Dans nos thèses, c'est l'État qui contrôle son contrôle. Et lancé sur le pouvoir de la vie à la limite de perte de contrôle. En avance, sans régulateur et tout ce qu'on fait, on le fait dans l'excès. Et même dans l'excès, on est insatisfait. Le sentiment de n'en avoir pas eu assez. Regrette les années passées avec l'envie de tout faire péter. DIL, résident des ghettos, vit sans contrôle. La même merde de Bordeaux à Sao Paulo. Grâce à Dieu, nos quartiers, c'est pas leur favela. La vague, c'est pas la milice qui tire à vue sur civil. Une fois dépassé l'Atlantique, les corbeaux suivent les civières. Mais notre hip-hop note pas les menottes qui portent la griffe du capital. Criminel qui fiche tard les moutons, mes trophes implorent. Pour que t'en libères l'esprit en espérant. Toutes mes flèches portent le trahi. AONC Nordique.